histoire de plage mêlée de sable et d'eau. Dans un coquillage, la voilure d'un bateau qui se balançait sur le bord du soleil, emportant qui sait nos illusions nées de la veille. J'ai trop souvent fait naufrage pour n'avoir pas su dire, alors qu'il le fallait, avec des mots nouveaux, la mer que je t'offrais. Pour tes voyages, je connais des vagues qui roulent doucement. En tissant des algues, les nuages poussent le vent qui joue la couleur et qui peint la musique, en orchestrant les fleurs d'un casino aquatique. Je te donne l'océan pour que tu te souviennes des courses dans le vent que nous faisions ensemble, espérant que l'amour serait au large. Une histoire de plage mêlée de sable et d'eau, dans un coquillage, la voilure d'un bateau qui se balançait sur le bord du soleil.